Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille des Franco-Ontariens pour sauver l'hôpital Montfort. Montfort! Fermé! Jamais! Montfort! Fermé! Jamais! 10 000 Franco-Ontariens participent à un grand rassemblement organisé à Ottawa le 22 mars 1997 pour crier leur colère et pour afficher leur détermination à s'opposer à la décision du gouvernement ontarien de Mike Harris de fermer l'hôpital Montfort, le seul hôpital francophone de la province. L'ex-mairesse de Vanier, Gisèle Lalonde, qu'on vient d'entendre, deviendra la porte-parole de ce combat mené par la coalition SOS Montfort et son fameux « Montfort fermé jamais » deviendra le cri de ralliement de toute une communauté pour sauver l'hôpital Montfort de la fermeture. C'est une bombe politique qui a éclaté lundi. Dans un rapport rédigé uniquement en anglais, la Commission sur les services de santé en Ontario décrète la mort de l'hôpital Montfort, le seul hôpital francophone de la province. Cette fermeture ne se concrétisera jamais. S'il faut sortir nos épingles à chapeau du front. Les épingles à chapeau, ce sont les armes utilisées il y a 85 ans contre les inspecteurs chargés d'appliquer l'interdiction de l'enseignement en français dans les écoles ontariennes. Le fameux règlement 17 avait mené à la création d'un journal de combat, le Droit d'Ottawa, qui semble maintenant retrouver sa mission d'origine. Il y a des cas exceptionnels où le journal devient un instrument de lutte. En éditorial, le journal invite à la mobilisation, et pas seulement en Ontario. Le recul de la communauté franco-ontarienne est un recul qui touche toutes les autres minorités francophones au pays. Everybody wants to fight change. Simple résistance au changement, croit le premier ministre Mike Harris, selon qui les francophones seront bien desservis par l'hôpital général d'Ottawa. C'est un maudit mensonge. Le sénateur Jean-Robert Gauthier a été de toutes les luttes franco-ontariennes depuis 50 ans. Il lutte maintenant contre la maladie dans une chambre du General. Un an, je suis à l'hôpital, je sais, là. J'ai vécu l'expérience, moi, dans l'hôpital général puis au centre de réadaptation. Ici, comme là-bas, tout se fait en anglais. Extrait d'un reportage de Guy Gendron diffusé au Téléjournal du 26 février 1997, deux jours après l'annonce de la fermeture de l'hôpital Montfort, pour nous raconter l'histoire de cette bataille de la communauté franco-ontarienne pour sauver l'hôpital Montfort de la fermeture. Mon invité est Marcel Martel, titulaire de la chaire A.V. Bennett Historica Canada en histoire canadienne de l'Université York à Toronto. Marcel Martel, bonjour. Bonjour. En écoutant cet extrait du reportage de Guy Gendron, Marcel Martel, on réalise déjà l'importance qu'a l'hôpital Montfort pour les Franco-Ontariens. Un tout petit mot d'abord pour le situer dans le temps, pour raconter brièvement son histoire. Dans quel contexte est créé cet hôpital? En quelle année est créé cet hôpital? L'hôpital est créé en 1953 par une communauté religieuse et le but était d'offrir des services de santé en français à la population d'Ottawa, Vanier, parce qu'il faut dire qu'il y avait très peu d'hôpitaux de langue française en Ontario. Il est important pour la communauté franco-ontarienne, cet hôpital-là. Ah oui. Parce que si vous vouliez recevoir des services en français, si vous demeuriez dans la capitale nationale et vous vouliez recevoir des services en français, vous alliez à l'hôpital Montfort. Les autres hôpitaux offraient de temps en temps des services en français, mais la plupart du temps, ces services étaient de mauvaise qualité. Oui. Médecine générale aussi, il y a comme une notion de soins de proximité quand on parle de Montfort. La fermeture de l'hôpital est proposée par un comité gouvernemental le 24 février 1997. Comment diable, Marcel Martel, en arrive-t-on à cette idée de proposer la fermeture du seul hôpital francophone de l'Ontario? Il faut retourner aux élections provinciales de 1995. Mike Harris, qui est le chef du Parti progressiste conservateur, est élu sur la plateforme de la révolution du bon sens. Que signifiait la révolution du bon sens? On diminue les impôts, et bien entendu, on coupe dans les services, on coupe dans l'éducation, on coupe dans les services sociaux, et bien entendu, on met sur pied une commission chargée de restructurer l'ensemble du réseau de santé en Ontario. Et lorsque cette commission va déposer des rapports, souvent, la commission n'était pas très originale parce qu'elle proposait tout simplement de fusionner des hôpitaux, d'en fermer d'autres. Et lorsque la décision est survenue le 24 février 1997, eh bien là, c'était Montfort qui passait sous le couperet. Un exercice vraiment, pour les gens qui ont connu cette époque, c'est un exercice de compression, réduire la taille de l'État, exercice assez comptable finalement. C'est-à-dire que Mike Harris s'était fait élire en disant, écoutez, la dette est extraordinairement élevé. Il faut, la seule manière de réduire la dette, c'est réduire les taxes, puis il faut réduire la taille de l'État. L'État est beaucoup trop important et ça signifiait, hein, les missions sociales de l'État allaient être réduites de manière importante. Oui. La communauté franco-ontarienne, évidemment, va réagir avec indignation à cette décision de fermer l'hôpital Montfort. La réaction va être très, très rapide, immédiate, on peut le dire. On écoute quelques réactions recueillies par le journaliste Jean-Paul Chénard quelques jours seulement après l'annonce de la fermeture de l'hôpital Montfort. Alors, je pense que c'est assez évident que l'état d'esprit, c'est un état de choc. La direction de l'hôpital a été complètement prise par surprise également. Elle considère que c'est la fin des services hospitaliers en français en Ontario. C'est une question, premièrement, de dilution, d'assimilation et éventuellement aucun service en français qui va être offert à la province. C'est perdre une partie, je trouve, de nos valeurs. Nos valeurs comme franco-ontariens, là. J'étais ici pour un stroke, là, 3 ans, là. J'étais très bien servi, très bien nourri. Je viens de passer d'autres tests encore ce matin, là. Et puis, j'ai toujours aimé ça. Ça vous peine que ça ferme? Ah oui, ah oui. J'étais chez mon médecin quand il annonçait le dio tantôt. Moi, mes enfants sont nés ici. J'ai eu plusieurs opérations ici. Pour nous, c'est chez nous, c'est ici. Puis là, ils nous enlèvent notre chez nous. C'est pas correct. Le député fédéral, Maurice Bélanger, promet que ça ne restera pas là. Moi, je m'excuse, mais j'ai siégé au conseil de la Fondation de l'Hôpital Général comme bénévole, tout en anglais. J'ai les gens de ma famille qui ont été hospitalisés au général, l'Hôpital Général. C'était difficile de se faire servir en français. Alors, ils n'ont pas compris ça, puis il va falloir qu'on le fasse comprendre d'une façon ou d'une autre. Que représente la fermeture? Concrètement, qu'est-ce que ça représente, la fermeture de l'hôpital Montfort pour la communauté franco-ontarienne, Marcel Martel? C'est un choc, et on l'a entendu dans les extraits. Montfort, c'était plus qu'un simple hôpital, c'était une institution, c'était l'endroit où les femmes accouchaient. C'était l'endroit où des gens qui avaient des problèmes de santé mentale recevaient des services en français. C'était l'endroit où vous receviez des services en français et vous n'aviez pas à vous poser la question « Est-ce que le médecin va me comprendre? Est-ce que l'infirmier ou l'infirmière va me comprendre? » Les gens savaient qu'à Montfort, on allait être servi en français. La fermeture signifiait « Vous perdez un maillon important pour le réseau institutionnel francophone en Ontario. Le seul hôpital de langue française allait fermer ses portes. Montfort, c'était aussi, depuis quelques années, là, dans les années 90, un lieu de formation en français, unique en Ontario, en fait. Oui, parce qu'il faut dire que depuis les années 60, hein, les francophones revendiquaient des services en français dans les institutions de santé. Et ces revendications ont fait prendre conscience qu'il y avait un problème important, qui était celui d'avoir des francophones qui vivent en Ontario, qui vont être formés en Ontario et qui vont ensuite aller travailler dans des institutions de santé. Et Montfort, on avait ajouté un volet formation. Et là, avec la fermeture, eh bien, tous les efforts qui avaient été consentis depuis une quinzaine d'années allait se retrouver anéanti. Ouais. La riposte, je le disais, va s'organiser très, très rapidement, la riposte des Franco-Ontariens. On va créer la coalition SOS Montfort. Qui fait partie de cette coalition et qu'est-ce que c'est que cette coalition-là? C'est une coalition extraordinaire parce que vous avez d'abord les employés, vous avez des patients, vous avez la députation provinciale et fédérale, je veux dire tout ce qu'il y a, des gens du NPD, des gens du Parti libéral. Des députés de la région. Députés de la région. Vous avez, j'allais dire, tous ceux qui militent dans différents organismes francophones. Donc, c'est une vaste coalition et c'est Gisèle Lalonde, qui était l'ancienne mairesse de Vanier, qui est appelée à présider cette coalition. Et elle va devenir là vraiment non seulement la porte-parole du mouvement, mais ça va être celle qui va porter sur ses épaules c'est-à-dire tous les espoirs de la communauté. Ouais. Et Vanier, juste une petite parenthèse, tout le monde ne le sait pas, mais c'est dans ce que deviendra la ville fusionnée d'Ottawa. Vanier, c'était une petite ville, la ville francophone du côté de l'Est ontarien, là, c'est Vanier. On l'écoute justement, cette figure importante, celle de Gisèle Lalonde, lors de ce rassemblement du 22 mars 1997, je le rappelle, 10 000 franco-ontariens qui sont réunis pour crier leur colère. On écoute donc à nouveau et plus longuement Gisèle Lalonde, présidente de cette grande coalition SOS Montfort. Et aujourd'hui, mes amis, c'est à notre tour de nous lever à l'appel du destin. C'est à notre tour de braver la tempête, de dénoncer l'injustice. Oui. De proclamer notre identité. Et de crier dans un cri de ralliement comme on n'en a pas entendu depuis 84 ans. Montfort, fermé, jamais! Montfort, fermé, jamais! Dans cet extrait qu'on vient d'entendre, Gisèle Lalonde fait référence, Marcel Martel, à cette bataille qu'ont menée les Franco-Ontariens 84 ans plus tôt. Cette fameuse bataille, c'est la bataille autour du règlement 17. Ça va être important dans la stratégie de cette coalition SOS Montfort, ce rapprochement entre les deux batailles, celle pour sauver Montfort et celle autour du règlement 17. Un petit mot quand même pour nous rappeler ce qu'était le règlement 17 et ce qu'a été la bataille des Franco-Ontariens pour combattre ce règlement. Donc, en 1912, le gouvernement progressiste conservateur décide de limiter aux deux premières années du cycle primaire l'usage du français comme langue d'enseignement. Au-delà de la deuxième année, l'anglais était la seule langue d'instruction. En fait, il est interdit d'enseigner en français après la deuxième année. Interdit, carrément. Voilà. Et la communauté va se mobiliser. Et c'est une mobilisation qui se déroule tout près là, sur une période de 15 ans, de 1912 jusqu'en 1927. Et finalement, en 1927, le gouvernement va revoir sa stratégie et va autoriser l'utilisation du français, l'usage du français comme langue d'instruction. Invoquer en Ontario français, invoquer le règlement 17, c'est pas banal. Et ça va être au cœur, encore une fois, de cette stratégie de la coalition SOS Montfort. Pourquoi on décide de faire ce rapprochement? Je crois que le rapprochement, c'était pour des raisons stratégiques. C'était pour rassurer les gens en disant, écoutez, la bataille qui s'annonce, ça va être une bataille difficile, parce que le gouvernement Harris n'avait pas la réputation là, de céder facilement. Mais en rappelant le règlement 17, c'était de dire aux francophones, écoutez, on s'est déjà battu et on a gagné. On a toutes les raisons de croire que ce nouveau combat, dans un nouveau champ, dans le champ de la santé, ce combat sera un combat gagnant. Donc, il y avait à la fois des raisons psychologiques, mais aussi des raisons politiques et des raisons historiques. Donc, c'était rappeler aux Franco-Ontariens que ce n'est pas la première fois que les Franco-Ontariens étaient appelés à se battre. Ouais. Mais à l'instar du règlement 17, les Franco-Ontariens ont gagné et tout incite à croire que la même chose va se répéter avec Montfort en 97. Donc, l'enjeu est sérieux et on peut gagner, l'histoire nous le montre. C'est intéressant comme stratégie. Il y a une autre carte qui va être jouée. Ce sont des vieux routiers de la politique. Gisèle Lalonde, mais elle est entourée de toute la députation, vous le disiez, de la région d'Ottawa. Il y a des gens qui connaissent le tabac, comme on dit, en matière de stratégie politique. Un autre élément, faut le rappeler, on est 2 ans après le référendum de 95 sur la souveraineté au Québec. Un autre élément qu'utilisera la coalition SOS Montfort, c'est la carte de l'unité nationale. On écoute, par exemple, Lucien Bouchard, qui est premier ministre du Québec à l'époque, ancien ministre fédéral de Brian Mulroney. On l'écoute prendre position dans ce dossier. Je suis en totale sympathie avec les francophones, et même, je le vois de plus en plus, des anglophones qui souhaitent que cet hôpital reste ouvert. Enfin, je connais un peu Ottawa, j'y ai passé quelques années. C'est quand même le dernier grand hôpital francophone en Ontario. Et pour moi, il est inimaginable qu'il soit fermé. Lucien Bouchard, le 28 février 1997. De quelle manière, Marcel Martel, les gens de la coalition SOS Montfort vont réussir à faire le lien entre la bataille pour sauver Montfort et cette dimension de l'unité nationale? C'est-à-dire qu'on interpelle le reste du pays. C'est-à-dire, à défaut de convaincre Mike Harris, on interpelle le reste du pays en disant, écoutez, Ce pays s'est construit sur l'idée qu'il y a deux communautés linguistiques importantes, leurs droits doivent être respectés. Et regardez ce qui se passe présentement, non seulement en Ontario, mais à Ottawa, la capitale nationale. Donc, si vous êtes un francophone et vous n'êtes pas capable d'être servi dans votre langue, qu'est-ce que va devenir ce pays? Donc, on va jouer la carte de l'unité nationale de manière à interpeller, je veux dire, la conscience non seulement des politiciens, mais aussi des intellectuels et de la population en général en disant, écoutez, si on croit vraiment que ce pays, c'est un pays qui est fondé sur le respect des droits des deux principales communautés linguistiques, eh bien, pourquoi on laisse faire Montfort? Il y aura des prises de position, bien entendu, celle de Lucien Bouchard. Il y aura évidemment beaucoup de députés ontariens, des députés fédéraux qui prendront position. Qui prendra position, là? Qui seront les ténors? Puis en fait, je vous pose cette question-là parce qu'à l'époque, Jean Chrétien va... On comprend qu'il est dans une position un petit peu délicate, mais lui va être très, très prudent. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, ce que l'on sait, c'est qu'il intervenait dans les corridors du pouvoir. Mais Bob Rae était intervenu. Mais là, les gens vont dire, oui, mais Bob Rae n'était plus en politique active. Il y a eu bien des députés au Québec. Premier ministre, on l'a mentionné, Lucien Bouchard. Mais vous avez eu d'autres députés, anciens premiers ministres, qui vont intervenir et qui vont tenter là de persuader le gouvernement Harris de revenir sur sa décision. Ouais. Mais il ne bouge pas, Mike Harris. Comment réagit-il à toute cette affaire-là? C'est-à-dire que pour lui, d'abord, ce n'est pas lui qui a pris la décision, c'est la commission de restructuration des soins de santé. Et la stratégie du gouvernement Harris, c'était si on bouge et si on donne raison à Montfort, comment pourrons-nous résister les pressions? Parce qu'il y avait aussi d'autres mobilisations, par exemple à Sudbury et ailleurs en Ontario, où des communautés s'étaient mobilisées pour sauver leurs hôpitaux. Donc, il y avait une question de maintenir, c'est-à-dire de ne pas miner le pouvoir de la commission et aussi de dire, écoutez, nous n'avons pas le choix. Nous avons été élus pour, comme on dit, remettre de l'ordre dans les livres de la province. Et puis, malheureusement, c'est le prix que certaines communautés devront payer. Son premier réflexe, c'est vraiment un réflexe technocratique. Il va un petit peu s'enferrer par la suite parce que ça va devenir une bataille politique dans cette dimension plus politique. Donc, refus de bouger du côté politique à Queen's Park, ce qui fait que les Franco-Ontariens n'auront pas d'autre choix que de se tourner devant les tribunaux. Ils vont le faire en 1998. Que va invoquer la communauté franco-ontarienne quand elle se présentera devant le tribunal? Il y a deux arguments. Le premier argument, c'est l'importance des institutions pour les communautés. Et c'était quelque chose, là, d'innovateur parce que jusqu'à l'époque, on mentionnait que, écoutez, on peut parler notre langue, on n'a pas besoin d'institutions. Mais là, devant les tribunaux, on va rappeler l'importance des institutions pour faire en sorte qu'un groupe, s'il veut maintenir sa langue, pour maintenir la vitalité d'une langue, eh bien, ce groupe a besoin d'institutions. Et vraiment, lorsque les juges ont rendu jugement, les gens ont été surpris de voir que les juges ont adhéré à cet argument. Puis il y avait un deuxième argument, et c'était le fameux l'arrêté de la Cour suprême concernant la sécession du Québec, où les juges de la Cour suprême avaient rappelé qu'au moment de la création de la Confédération en 1867, les pères de la Confédération avaient été préoccupés par les droits des minorités, notamment les droits religieux et les droits linguistiques. Oui. Et ça avait été un argument qui avait été également utilisé en disant, écoutez, si en 1867, les droits linguistiques, c'était quelque chose de très important, eh bien, ces droits linguistiques le sont encore plus en 1997. Ouais. Et ça va donner, en fait, un premier jugement favorable à la communauté franco-ontarienne rendu en décembre 99. Le gouvernement Harris va dire non, ça, on conteste. Il ira en appel de ce premier jugement. Nouvelle victoire pour la communauté franco-ontarienne devant la Cour d'appel de l'Ontario en décembre 2001. En un mot, que va dire la Cour d'appel? C'est-à-dire que la Cour d'appel va rappeler ces éléments, c'est-à-dire et va insister sur l'importance des institutions, ouais. C'est-à-dire de Montfort comme institution. Le point final de cette bataille, parce que le gouvernement Harris aurait pu porter l'affaire en Cour suprême, le point final de cette bataille va survenir le 1er février 2002 avec cette décision du gouvernement conservateur de Mike Harris de finalement jeter l'éponge. Une bataille de 5 ans menée par les Franco-Ontariens se termine par une victoire totale. Le gouvernement Harris n'ira pas contester en Cour suprême le jugement qui accorde une protection constitutionnelle à cet hôpital d'Ottawa. Et moi, ce matin, je suis fière, mais pas pour moi, c'est pour mon peuple, pour les gens, vous savez, qui ont travaillé pendant des années et des années, tous ceux qui ont mené des associations, qui ont passé des fins de semaine, des soirées à travailler pour la francophonie. Eh bien, je dis aujourd'hui, nous avons gagné. Le comité SOS Montfort a mené son combat dans les rues, mais surtout devant la justice. Et 2 tribunaux sur 2 lui ont donné raison. Ils ont conclu que Montfort, le seul hôpital universitaire francophone de l'Ontario, était protégé par la Constitution, rien de moins. Aujourd'hui, le gouvernement Harris capitule. Il n'ira pas devant la Cour suprême. C'est important de tourner la page et contempler l'avenir maintenant. Alors, SOS Montfort a le dernier mot et sa victoire est grande parce que les jugements qui lui ont donné raison ont une portée partout au pays. C'est important parce que la décision reconnaît, puis je parle d'une reconnaissance constitutionnelle, l'importance des minorités linguistiques au sein d'une province. Les francophones en Ontario, les autres minorités dans d'autres provinces. La Cour d'appel de l'Ontario déclarait en décembre que l'hôpital Montfort était essentiel à la survie de la communauté franco-ontarienne. Eh bien, cette communauté sort aujourd'hui doublement renforcée, d'abord parce qu'elle a mené bataille, ensuite parce qu'elle l'a gagnée. Bon, c'est une victoire importante. C'est une victoire à la fois politique, mais au fond, surtout juridique. C'est les tribunaux qui ramènent, au fond, le politique à l'ordre. Marcel Martel, quelle est l'importance de cette victoire-là? Puis on termine là-dessus. C'est-à-dire l'importance, bien entendu, la communauté a un jugement qui peut être utilisé pour d'autres causes. Mais il y a eu quand même un élément de déception. On souhaitait que le gouvernement Harris fasse appel et porte le jugement en Cour suprême, parce qu'on espérait un jugement de la Cour suprême, et ce jugement aurait vraiment fourni des outils, imaginons un jugement positif, ce qui aurait été probablement le cas, aurait fourni des outils juridiques à l'ensemble des communautés francophones du pays, ce qui n'a pas été le cas. Par contre, les deux jugements, ce sont des jugements qui sont utilisés par de nombreux avocats qui plaident des causes en faveur des droits des communautés francophones, que ce soit au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et du Prince-Édouard, même en Colombie-Britannique. Et c'est des jugements qui vont très loin. Puis encore une fois, il y a cette particularité du contrepoids. C'est à ça qu'on a assisté là, dans le cas de cette contestation en cours de la fermeture de l'hôpital Montfort. Le juridique qui dit aux politiques ce que vous faites n'est pas constitutionnel. Voilà. Et la grande ironie, c'est que si on revient au règlement 17, on avait également été devant les tribunaux et malheureusement, les tribunaux n'avaient pas donné raison aux franco-ontariens. Donc, si on compare le règlement 17 et ce jugement, dans le cas des jugements rendus dans la cause Montfort, les juges ont donné raison à la communauté franco-ontarienne. Marcel Martel, titulaire de la chaire A.V. Bennett Historica Canada en histoire canadienne à l'Université York de Toronto, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.